laisse pour mieux te surprendre. Un jour elle se confesse et te donne envie de te pendre. Un coup de foudre assemble les gens, mais peut aussi pourfendre. Tu ne peux pas te défendre, c'est de lui que ton âme dépend. Et pourtant elle était si gentille, si tendre, si tendre, si fidèle, si sensible et sincère à s'y méprendre. T'aurais jamais pensé que ton cœur pourrait se fendre. T'aurais jamais pensé qu'ils pourraient partir ensemble. Que la flamme fut si intense, la tienne s'est éteinte d'un coup de vent. Elle s'est rallumée dans les bras d'un autre, d'un autre. Mais toi tu dois te dire qu'il faut aller de l'avant. Que ton âme doit survivre, au moins la tienne n'est pas à vendre. Le démon avait tout pour me plaire. Je t'offre ton aller simple en enfer. Te faire souffrir n'était pas volontaire. Peut-être le regretterai-je à l'enfer. Trouveras-tu la force de me pardonner? Trouveras-tu la force de recommencer? Trouveras-tu une raison pour subsister? Disparaîtrai-je un jour de tes pensées? De tes pensées, de tes pensées. Le sourire au visage constamment quand ça démarre. Seulement son amour perd énormément de vitesse. Et le temps passe, elle en a de plus en plus marre. Malgré les promesseuses promesses diverses. C'est des larmes que tu verses quand t'apprends la nouvelle. Un jeune homme si tendre s'occupera mieux d'elle. Comme si pour elle tu décrocherais pas la lune, j'irais pas la lune. Pourtant elle sait très bien qu'en la voyant tes yeux s'allument. Tu n'y crois pas, demande pourquoi, elle ne peut pas te répondre. Notre amour si fragile est brisé par un coup de foudre. Tu sens ton âme brûler et ton cœur fondre. Il se fissure et aucun point de suture ne peut le recoudre. Le démon avait tout pour me plaire. Je t'offre ton aller simple en enfer. Te faire souffrir n'était pas volontaire. Peut-être le regretterai-je à l'enfer. Trouveras-tu la force de me pardonner? Trouveras-tu la force de recommencer? Trouveras-tu une raison pour subsister? Disparaîtrai-je un jour de tes pensées? De tes pensées, de tes pensées. Tellement, mais ce n'est pas de leur faute. C'est la faute d'un sentiment qu'on appelle l'amour. C'est la faute de cette saloperie qu'on appelle le coup de foudre. Il frappe n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Rien ni personne ne le contrôle, on ne peut rien y faire. À croire que Cupidon est de mèche avec Lucifer. Il distribue ses flèches sans prendre le soin de viser. Il touche n'importe qui, il n'est pas un ange avisé. Constate les dégâts, tu es victime de son arc. Et ce, sans même qu'il te vise. Et la foudre est son arme. Elle ne frappe jamais deux fois au même endroit. C'est pourquoi tu souhaitais tant qu'elle ne réapparaisse pas. Le démon avait tout pour me plaire. Je t'offre ton aller simple en enfer. Te faire souffrir n'était pas volontaire. Peut-être le regretterai-je à l'enfer. Trouveras-tu la force de me pardonner? Trouveras-tu la force de recommencer? Trouveras-tu une raison pour subsister? Disparaîtrai-je un jour de tes pensées? Tu dois briser du diable quand un éclair emprise un air. Vois ton âme. Y'a comme pierre dans la brise et tu te sens prisonnier. Éteins la flamme. Même si la sienne est éteinte, putain la sienne brûle. Et détruis ton âme. Même les plus grandes promesses aujourd'hui ne tiennent plus.